chercher le meilleur. Tu as fait de moi et de mes erreurs mal habiles un verbe conjugué au passé sans effort. Tu as su me donner une seconde chance, je saurai partager avec toi. Tu as fait de moi de mes innombrables défauts une histoire à réinventer, mais aussi m'en prouver tellement de fois que ce monde était beau et qu'il suffisait simplement de s'aimer. Que dirais-tu de tracer notre ligne blanche et comme s'avancer pas à pas? Reconnu mes fautes, crois-tu seulement que je sois à la hauteur? Pouvoir jouer sans la moindre fausse note, et si maintenant je cessais d'avoir peur? Je n'avais en tête que tous ces a priori, ces idées reçues mauvaises. C'est on dit, ces idées reçues mauvaises manies. Tu as su me donner une seconde chance que je saurais partager avec toi. Même si j'ai reconnu mes fautes, crois-tu seulement que je sois à la hauteur? Jouer sans la moindre fausse note, et si maintenant je cessais d'avoir peur? Crois-tu seulement que je sois à la hauteur de pouvoir jouer sans la moindre fausse note?